Amen. On va continuer avec notre message, c'est la foi. Foi en Jésus-Christ. Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe Glauben. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Amen. Amen. Our mind and our confession is very, very important in our faith. Unsere Gedanken und unser Bekennen ist sehr wichtig, wenn es ums Glauben geht. Nos pensées et notre confession, c'est vraiment important quand il s'agit de la foi. Amen. Now Wednesday we were in that of confession, but we will still continue that of confession. But we will talk much about our mind today a lot, and then how many other things that the Lord wants us to put in. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Wir werden heute auch besonders über unsere Gedanken sprechen. On va beaucoup parler concernant nos pensées. Amen. Amen. Every, you know, anything of us is never Christ and us. Christ and the flesh is Christ alone. Okay. Alles, was uns betrifft, ist nicht Christus plus irgendwas anderes, sondern es ist Christus allein. Tout ce qui nous concerne, c'est pas Jésus-Christ plus quelque chose d'autre, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Faith has nothing to do with the body. Denn Glaube hat nichts mit dem Körper zu tun. La foi n'a rien à faire avec avec le corps. The spirit has nothing to do with the body. If you go to John 3, please. Wir lesen Johannes 3. On va lire Jean 3. Is the spirit and the flesh is the flesh. Jean 3 nous dit qu'il n'y a rien en commun entre la chair et l'esprit. It means the spirit has nothing to do with the flesh. Der Geist hat nichts mit dem Fleisch zu tun. L'esprit n'a rien à faire n'a rien en commun avec la chair. Johannes 3, verse 6. He said, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Are you getting it? Mm-hmm. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. And we are not to miss them. Und das sollten wir nicht vermischen. Et on ne doit pas le mettre ensemble. If you look at everywhere today, it's full of mystery. Heutzutage wird es überall miteinander vermischt. Si tu vois aujourd'hui, ces jours ici, tout est mixé ensemble. Amen. People are born again, but their lifestyle is the lifestyle of the system of this world. Menschen sind zwar wiedergeboren, aber ihr Lifestyle repräsentiert das System dieser Welt. Tout comme les gens sont nés de nouveau, mais leur mode de vie, ça représente le système de ce monde. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yes, you know, everything here is still their focus. Und alles, was das weltliche System betrifft, ist immer noch ihr Fokus statt Christus. Parce que tout ce qui est qui concerne le système de ce monde, c'est toujours c'est pas Jésus-Christ, c'est tout autre chose que Jésus-Christ. Amen. They never love what he loved or hate what he hates. Und sie lieben nicht, was Christus liebt, und hassen nicht das, was Christus eigentlich hasst. Le monde, ou bien les soi-disant enfants de Dieu, ne détestent pas ce que Jésus-Christ déteste et n'aiment pas ce que Jésus-Christ aime. They don't love the truth, they hate the truth. Sie lieben nicht die Wahrheit, sondern sie hassen die Wahrheit. Und sie behaupten von sich, dass sie wiedergeboren sind. Ils n'aiment pas la vérité, ils détestent la vérité, mais sont en train de prétendre connaître qui sont nés de nouveau. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot mix them together. It's not I'm born again, but this side I'm you know, I direct my life. No, Christ should be the one that directs your life. Amen. If you are really born again. Amen. Du kannst nicht Fleisch und Geist zusammenmixen. Du kannst also nicht behaupten, dass du wiedergeboren bist und gleichzeitig noch dem System dieser Welt nachfolgen. Tu ne peux pas mélanger l'esprit et la chair, parce que tu peux pas dire que je suis né de nouveau dans mon esprit, mais toujours aimer et adorer le système de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. It is not about the body. Es geht nicht um den Körper. Il ne s'agit jamais de la chair, du corps. And that's why, you know, you can see somebody down in your dream, and that person is not the real person. Und deswegen kannst du von einer Person ganz gewöhnlich träumen, aber es handelt sich eigentlich gar nicht um die eigentliche Person. Et c'est pour cela, c'est même capable de rêver de quelqu'un, mais il s'agit même pas de la personne. Dream is spiritual. Träume sind geistlich. Parce que les rêves, c'est spirituel. And that's why we need interpretation. Und deswegen müssen Träume interpretiert werden. Et c'est pour cela les rêves doivent être interprétés. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Dreams are not flesh and blood. That's why man cannot get it. Träume sind nicht Fleisch und Blut, deswegen kann ein Mensch mit dem natürlichen Verstand Träume überhaupt gar nicht verstehen. Les rêves c'est pas chair et sang et chair parce que c'est pour cela. C'est la raison laquelle l'être humain n'est pas capable à comprendre ce qui est derrière un rêve. You know, it dream before you know it, this has returned to a car. before you know, this room will be returned to Nigeria. If you say every, you know, praise the Lord. Hallelujah. Ja, in einem Traum kann es zum Beispiel auch sein, dass dieses Haus sich ganz plötzlich in einen Kuchen verwandelt oder dass. Exactly. I start eating it. Ist auf einmal irgendwie Leute anfangen, das Haus aufzuessen oder so. Et si tu te rappelles, tu sais bien que dans un rêve, même cette maison, ça peut devenir un gâteau. Tu commences à manger ce gâteau, ou bien tu peux voir que cette chambre ici, ça devient Nigeria ou bien Congo, quelque chose comme ça. Et donc c'est un peu bizarre là. Amen. Dreams are not flesh and blood, but spiritual. Yes. Les rêves, c'est pas sans chair et sans, c'est pas charnel en fait, c'est spirituel. Ich hatte nur eine kurze Frage. Sind die Träume von Kindern Gottes nur Fleisch und Blut und deswegen können nur Kinder Gottes das durch den Geist Gottes übersetzen? Oder was ist mit den Träumen von Ungläubigen? Weil es gibt ja Leute, die sagen, die können Träume deuten. Können die Träume der Ungläubigen nur deuten? Oder was ist bei denen? Wisst ihr, was ich meine? You know, that you interpret dreams does not mean you are of Christ. That you can interpret dreams. Satan can also interpret dreams. Because it's spiritual. Yeah. Anything spiritual, except the Lord block it from Satan. Satan can say it. It's like the Jesus' death. It was blocked. The Satan was blind to it. He could not see it. According to First Corinthians, he said, if he had known that his death could have been our salvation, he could have prevented it. You get it? So there are something that are blocked, but most things are opened. You can see. That's why you could see Jesus and you could see Jesus and know that this is Jesus. Also Träume sind geistlich und weil Träume geistlich sind, kann auch der Teufel oder Leute, die halt nicht Kinder Gottes sind, können halt auch Träume deuten. Aber die Tatsache, dass sie Träume deuten können, bedeutet nicht, dass das Kinder Gottes sind. Ja, exactly. Und der Herr oder beziehungsweise Gott hat halt die Macht, Träume oder Sachen, die geistig sind, auch für den Teufel unsichtbar zu machen. So konnte nämlich der Teufel auch nicht, also der Teufel konnte zum Beispiel auch den Tod von Jesus Christus nicht sehen und nicht deuten, weil er sonst da erkannt hätte, dass der Tod von Jesus Christus den Sieg für Kinder Gottes bedeuten würde. Aber der Herr hat das für den Teufel sozusagen unsichtbar gemacht und verblendet, sodass er das nicht sehen konnte. Danke. Merci avait demandé s'il y a une différence entre les rêves des enfants de Dieu ou les rêves des païens. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'ils peuvent aussi interpréter des rêves. Et maman dit qu'il y a des gens qui peuvent interpréter les rêves, mais ça ne signifie pas qu'ils sont les enfants de Dieu. Hein, parce que c'est parce que des rêves, c'est quelque chose de spirituel. Et le diable aussi a accès, parce qu'il est aussi un esprit, il a aussi accès aux rêves. Mais on doit aussi savoir qu'il y a aussi quelques rêves que l'Éternel peut seulement révéler aux enfants de Dieu et pas et que le diable n'a pas accès. Donc il est aveuglé pour ses rêves. Et l'exemple, c'est par exemple la mort de Jésus-Christ. Spirituellement, le diable, il ne savait pas que c'était... que la mort de Jésus-Christ était une victoire pour les enfants de Dieu. Parce que si il savait que la mort de Jésus-Christ, c'est la victoire, il allait pas vouloir que Jésus-Christ soit crucifié. Mais vu qu'il ne savait pas, parce que c'est quelque chose d'esprit, ça nous fait voir que Dieu peut aussi aveugler le diable à ne pas avoir accès à ses plans, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Genesis 40. Wir lesen einmal 1. Mose 40. Genèse 40. If we read quickly read from 1 to 8. Amen. Vers 1 bis 8. Amen. Vers 1 à 8. And it came to pass after these things that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was wroth against two of these officers, against the chief of the butler and against the chief of the bakers. And verse 3. And he put them in ward in the house of the captain of the guard into the prison, the place where Joseph was bound. Amen. Verse 4. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them, and they continue a season inward. Verse 5. And they dreamed a dream, both of them, each man his dream in one night, each man according to the temptation of interpretation of his dream. The butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. Verse 6. And Joseph came into them in the morning and looked upon them, and behold, they were sad. Praise the Lord. Amen. Verse 7. Yes, and he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lost house, saying, wherefore look you so sadly today? Are you supposed to be happy in the prison? Amen. Yeah. Praise the Lord. You know, God, children, where you are should be full of joy. Amen. Amen. Joseph could notice that something was wrong. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Überall, wo Kinder Gottes sind, sollte es eigentlich immer Freude sein. Und wir lesen hier, dass Joseph auch gemerkt hatte, dass sie bedrückt waren. Ici, partout où les enfants de Dieu sont, ils doivent être, en bonne humeur, il doit avoir la joie doit régner. Et c'est pour cela, ici, ça nous fait voir que Joseph, il a remarqué que les enfants de Dieu, malgré son dans la prison, ils n'avaient pas la joie. Il a directement remarqué que quelque chose ne marche pas. Amen. Mm-hmm. If you can rejoice in prison, you should be able to rejoice outside prison. Amen. Mm-hmm. The people outside, today, you can see how. You can see they are full of sadness. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. Ja. Als Kinder Gottes sollten wir sogar in der Lage sein, im Gefängnis Freude zu haben. Aber heutzutage ist es so, dass die Menschen selbst nicht im Gefängnis sind und trotzdem bedrückt sind und traurig sind. Étant enfant de Dieu, on doit être capable à se réjouir n'importe où on part. Et c'est pour cela, c'est bizarre que les enfants de Dieu, ces jours ici, ils sont vraiment tristes malgré ils ont l'éternel. There's the natural prison, there's the supernatural prison. Mm-hmm. Es gibt ein natürliches Gefängnis und das übernatürliche Gefängnis. Il y a une prison naturelle et une prison surnaturelle. Amen. They are not the same. The spiritual prison, you know, people are all this. If you are blind, you are in prison. Wenn du beispielsweise geistig blind bist, bist du in einem geistlichen Gefängnis. Du bist in Gefangenschaft. Si par exemple, spirituellement, tu es dans une prison, ça signifie la prison spirituelle, ça signifie que quand les gens sont aveugles, qui ne sont pas capables à voir Jésus-Christ. Look at verse 8, please. Verse 8. And they said unto him, we have dreamed a dream. We dreamt a dream. And there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, do not interpretation belong to God? Tell me then, I pray you. Praise the Lord. Hallelujah. It means dream are spiritual. Mm-hmm. Träume sind geistlich. Verset 8 nous fait voir que les rêves sont spirituels. You can interpret it wrongly or can interpret it real. You can interpret it correctly. Mm-hmm. Du kannst Träume falsch deuten, du kannst sie aber auch richtig deuten. Tu peux interpréter les rêves correctement et puis aussi incorrectement. You know, years ago when I was a little girl in the school, I dreamt a dream, and because of that dream, my father flogged me, beat me. How old were you? Around 10, 12, 13 or so. You know, they flogged me because the dream was like two babies. I have two babies in my hand. Just birds fly from sky, one here. And they turned to babies. Then I took the two of them to my stepmother. Then she kept one here. Then I stood in their middle. So when I woke up, I said, what type of dream? Birds just fly in my hand. Turn to baby. So when I told my father beat me, said I was going to be pregnant. He said, you know a boy already. You know people, that is pregnancy. He flogged me. But after years, when I told my auntie have the gift of interpretation of dreams. The mother of my auntie. She was expert. Let me say expert. She never any dream at all. She was not a child of God. She doesn't believe in Christ Jesus at all. But any dream you tell her, she will just explain it. And that dream, what she said is exactly that dream. A lot of dreams that I was telling her, she will say it before my father died. My sister dreamt a dream concerning my father, that my father was before the sea, was wearing beads. All this hair like this, before the sea. And was standing, the sea was a very, very big river, my father was standing here. And that, we could not even understand it. My sister told my auntie. My auntie said, your father will soon die. He said, that is death. I said, how will that be death? You are standing in front of sea and we are wearing beads and well-dressed. We are well-dressed. He said, your father, it was that year my father died. You understand me? So she now said it to me. Then I now told her, look at what I dream of. I said, my father beat me. He said, your father beat you for nothing. He said, that the Lord just revealed to you your future. How bright it's going to be. You are going to be somebody very great. He said, that's what you see. It's not about, you are not going to be. You will have children, but later, but not, he just beat you for nothing. You can see my father's interpretation. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Als ich noch ein Schulkind war, so zwischen 10 und 13 Jahren, hatte ich einen Traum. Und zwar habe ich geträumt, dass ich zwei Vögel gesehen habe, die in meine beiden Arme geflogen sind und sich auf einmal in Säuglinge verwandelt haben. Und ich habe diese beiden Säuglinge dann zu meiner Stiefmutter gebracht. Und sie hat sie beide dann einmal auf der linken und einmal auf die rechte Seite quasi neben sich gestellt und ich stand in der Mitte. Und ich habe das damals dann meinem Vater erzählt und wurde damals von meinem Vater dann direkt geschlagen wegen diesem Traum, weil mein Vater gesagt hat, der Traum bedeutet, dass du schwanger sein wirst. Du hast bestimmt schon irgendwie Gespräche mit irgendwelchen Typen und du wirst mit zwei Kindern nach Hause kommen und ich wurde daraufhin geschlagen. Und ich ging danach zu der Mutter meiner Tante. Sie hatte die Gabe, Träume zu deuten und jeder Traum, den ich ihr erzählt habe, hatte sie immer richtig gedeutet und ich hatte ihr von diesem Traum erzählt und sie hat mir dann gesagt, dein Vater hat dich komplett umsonst geschlagen. Es geht gar nicht darum, dass du Kinder bekommen wirst, sondern es geht darum, dass der Herr dir damit offenbart hat, wie groß deine Zukunft sein wird und dass du wirklich groß sein wirst und dass Großes passieren wird in Zukunft mit dir. Du wirst zwar eines Tages Kinder bekommen, aber das hat gar nichts mit dem Traum zu tun, sondern in dem Traum geht es einfach um deine Zukunft, die dir bevorsteht. Und bevor mein Vater starb, hatte meine Schwester auch geträumt, dass mein Vater quasi vor einem großen See stand und er war richtig gut bekleidet, mit ganz viel Schmuck bestückt und stand vor diesem See. Und meine Tante, beziehungsweise die Mutter von meiner Tante, hat dann diesen Traum gedeutet und hat gesagt, dass es bedeutet, dass mein Vater sterben wird. Und wir haben es nicht verstanden und haben gedacht, wie der soll sterben, ne? Das kann doch gar nicht sein. Er steht doch vor dem See, ist richtig gut bekleidet, er ist nicht krank, er hat keine Vorerkrankungen oder so. Wie kann das sein, dass er sterben wird? Und sie hatte eigentlich schon gesehen in diesem Traum, dass es bedeuten wird, dass er bald tot ist. Und genau im selben Jahr starb er auch. En fait, Achso, und dadurch sieht man halt, dass es zwei verschiedene Arten von Deutungen gibt. Die Deutung, die mein Vater hatte in Bezug auf diesen Traum mit den beiden Vögeln und die Deutung, die von der Mutter meiner Tante kam, die es die richtige Deutung hatte. En fait, pour vous expliquer qu'il y a vraiment deux interprétations de rêve, il y avait un jour que j'avais rêvé qu'il y a deux oiseaux qui sont venus vers moi et se sont transformés en bébés. Et puis j'ai donné ça à ma tante, à ma mère. Quand j'ai dit ça à mon père il était vraiment fâché. Il m'a commencé il m'a frappé parce qu'il disait que ça signifie que moi je serais enceinte et que je connaissais déjà les garçons et que j'avais environ 12 ans, 13 ans et il m'avait vraiment frappé. Et moi, quand j'ai écouté, quand il m'a frappé là, après ça je suis partie chez une tante. J'étais avec une tante et la mère d'une tante. Et la mère de la tante, à la base, elle ne croit même pas en Jésus-Christ, mais elle a le don d'interpréter les rêves. Et elle avait interprété cette rêve, ce rêve-là, quand je lui ai expliqué, elle m'a dit que ça signifie que ton frère t'a frappé pour rien. Parce que ce rêve-là, ça signifie que tu auras une avenir vraiment très... un avenir très, très beau. Donc, ça sera très... tu seras une personne, tu auras une valeur. Donc, oui, c'est vrai, une valeur. Oui, c'est vrai que tu auras des enfants, mais ça n'a rien à faire avec les enfants charnels. C'est quelque chose de spirituel, que tu seras vraiment quelqu'un, que tu auras une présence, tu seras quelqu'un en fait. Et cette âme-là, tout ce qu'elle rêvait, elle savait bien l'interpréter parce que ma soeur aussi avait rêvé quelque chose et elle avait rêvé que mon père était vraiment très bien habillé et il était devant un lac et il était très habillé, bien habillé, c'était comme s'il partait fêter. Et la dame en question, elle a dit que oui, ça signifie que votre père va mourir bientôt. Et puis on a dit mais ça n'a pas de sens parce qu'il était, il n'était pas malade, il avait rien. Et puis dans le rêve, il était bien habillé devant un lac, comment ça peut indiquer la mort? Et c'était vraiment cette année que notre père était aussi mort. Donc pour vous dire que malgré qu'elle n'avait pas Jésus-Christ, elle avait un don d'interpréter les rêves. Et c'était aussi... et pour voir qu'il y a une différence de l'interprétation. Mon père avait mal interprété mon rêve. Et la femme, elle avait bien interprété mon rêve. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. In Genesis 41. In 1. Mose 41. Genèse 41. If you read from the beginning, consider that the king of Egypt had a dream. Wir sehen in 1. Mose 41, dass der König von Ägypten ebenfalls einen Traum hatte. Ici on voit que le roi d'Égypte avait aussi un rêve. That of 40, you know, Joseph later interpreted the dream to the people. Amen. To those two men. Amen. And in verse 41, he said one will be killed and the other one will be free. Mm-hmm. And in verse 41, the free one, we get it, was now in the palace again with the king. Mm-hmm. Und die Verse, die wir in Vers 40 gelesen haben, von den Träumen von den beiden Leuten, die mit Josef im Gefängnis waren, die Träume wurden danach auch von Josef gedeutet. Also es hieß, dass eine Person von ihnen sterben wird und der andere nicht. Und hier in Kapitel 41 ist die Person, die dann quasi überlebt hat, hat sich dann wieder an Josef erinnert, sodass Josef dann auch hier nochmal den Traum des Pharaos deuten konnte. Ici on voit dans verset 40 qu'il avait, quand il a interprété, quand il avait interprété le rêve, il a dit qu'il y aura un qui va mourir et un qui va survivre. Et dans verset 41, on voit que celui qui avait survécu, dans le chapitre 41, la personne qui avait survécu, c'est lui qui s'est rappelé de Joseph, qui a dit que oh, cet homme avait bien interprété le rêve. Et c'est pour cela que je vais reporter ça aussi au Pharaon. Praise the Lord. Hallelujah. You know, please let it be your homework. Read this chapter 40 and see the difference between the dream. You know, the dream those men dreamt, you can see the dream, there was nothing, especially the one that was killed, there was nothing dead. But interpretation means death. Are you getting it? Yeah. So, and the other one too. So, you can read it so, because of time, we cannot go through them. Amen. Lest bitte 1. Mose 40 als Hausaufgabe zu Hause. Und ihr werdet dann auch feststellen, dass die Träume, die die Leute dann geträumt haben, auf dem ersten Anblick erstmal überhaupt gar nicht auf den Tod hindeuten. Aber gerade die Person, die hingerichtet wurde am Ende, sie hatte quasi diesen Traum, wo überhaupt gar nicht irgendwie es nach Tod überhaupt den Anschein hatte und dass ihr einfach dort die Sicht auf die Träume nochmal habt. Je vous recommande de lire ça aussi à la maison et vous allez aussi remarquer que la personne qui avait revêt ce rêve, quand il a, si vous voyez ça bien, que ses rêves n'avaient rien à faire avec la mort. Tu vois, l'homme, l'être humain ne peut pas avoir l'esprit de mort dans ce rêve-là. Mais à la fin, la personne qui a rêvé ça a été tuée. Praise the Lord. Hallelujah. And in chapter 41, from verse 1 to 7, you know, the king of Egypt dreamt. And he was troubled. He wanted to know the time. You know that some dream you dream, you just know that there's something behind this dream. Where is this dream coming from? What is the meaning of this dream? And in verse 8, you can see, let us read verse 8 because of time. On va lire verset 8. Also vom Kapitel 1, von Kapitel 41, Vers 1 bis 7 sehen wir, dass der Pharao einen Traum hatte und dieser Traum hat ihn bedrückt, weil er unbedingt wissen wollte, was der Traum bedeutet. Und wir wissen, wir kennen das wahrscheinlich alle auch, dass wenn man einen Traum hat, wo man unbedingt wissen möchte, was der Traum vor sich hat. Und wir lesen ab Vers 8, wie es dann weiterging. Verset 41, on va voir que de 1 à 7, on va voir que le Pharao a rêvé et son rêve, lui, il savait que quelque chose est louche là dans ce rêve. Et on va lire maintenant à partir de 8. Verse 8. And it came to pass in the morning that his spirit was troubled. And he sent and called for all the magicians of Egypt. Praise the Lord. Mm-hmm. Do you see something there? Mm-hmm. The spiritual, those that can see in the spirit. Mm-hmm. Amen. In Egypt. And all the wise men thereof. And Pharaoh told them his dream. But there was none that could interpret them unto Pharaoh. Mm. It was blind. The Lord blinded them. He took the dream away from them, the understanding of the dream. Mm. Blocked it. Because he was preparing it for his own son. Amen. Wir sehen, dass die Wahrsager hier den Traum gar nicht richtig deuten konnten, weil der Herr die wahre Bedeutung des Traumes für sie blind gemacht hat, weil der Herr vorhatte, was mit seinem Sohn vorhatte. Ici on voit que tous les gens qui étaient capables d'interpréter les songes n'étaient pas capables à l'interpréter. Et on voit que l'Éternel il a aveuglé les yeux des interprètes de ce monde parce que il a attendu son fils à venir. Donc il a fait un genre que son fils soit ici Joseph, la seule personne à être capable à interpréter le songe du pharaon. Praise the Lord. Amen. You know, then from verse 9, you can see that one of those that, you know, two men that dreamt in the prison, the one that was free, that Pharaoh free, amen, was now in the palace again. From verse 9, you see, let's read from 9, please. Listen, verse 9. Verse 9. Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my fault this day. Pharaoh was wroth with his servant, and put me in ward, in the captain of the guard's house, both me and the chief baker. Prior that. You know, sometimes how he does his things are wonderful. You know, if this man was not, did not make mistake with the king of Egypt, he would not be thrown into prison. Where Joseph was also thrown into prison, the prisoner. And now Joseph met him there. And through there, they knew each other. And here now, he's back to Pharaoh. And now, he is going to invite Joseph. You get something here. Connection. How the Lord makes the connection of everything. Mm-hmm. So that's why the house should never be our problem at all. Mm-hmm. Of anything. Amen. Es ist manchmal sehr erstaunlich, wie der Herr Verbindungen herstellt, weil wenn dieser Mundschenk beispielsweise keinen Fehler gemacht hätte im Haus des Pharaos, dann wäre er nicht im Gefängnis gelandet. Und dann hätte er auch Josef nicht begegnet und dann könnte er sich auch nicht mehr an Josef erinnern, nachdem er aus dem Gefängnis herausgekommen ist. Das heißt, die Art und Weise, der Weg, wie der Herr Dinge macht, sollte uns nicht beunruhigen. Wir sollten einfach auf den Herrn vertrauen. Et ça, ça nous fait voir quand on lit ici, on voit que la personne qui a été dans la prison, il a été dans la prison parce qu'il avait fait une gaffe. Et s'il n'était pas dans la prison, il n'allait pas avoir la possibilité de connaître Joseph et de son don de révéler les songes. Et puis si, il a dû aussi sortir de là pour aussi faire voir au Pharaon qu'il y a une personne qui sait le faire. Donc ça signifie que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, on veut toujours savoir mais comment l'Éternel va le faire, comment il va le faire, comment il va nous soulever, nous élever. Mais ici, tu vois qu'il a élevé, Joseph d'une manière vraiment très bizarre. Donc c'est lui-même qui sait comment il va faire ces choses. You can see how he can use them to bring victory for his children. Amen. Amen. He will use them. Amen. Amen. If he wants to tell them to go to prison. Amen. Amen. Der Herr kann jeden benutzen, um seine Kinder zum Sieg zu verschaffen. Er kann selbst dazu bringen, dass die Leute ins Gefängnis gehen für seine Kinder. Tu peux, ici tu vois vraiment que l'Éternel est capable de tout faire, d'utiliser n'importe qui pour donner la victoire à ses enfants. Il a, même s'il s'agit, il faut que ces gens-là puissent partir au prix. Dans la prison, comme ici, il devrait partir à la prison pour que son fils soit élevé. Donc, il va les utiliser. So, can you help us to read verse 11? Vers 11. Da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. Mm-hmm. And there was there with us a young man, an Hebrew, a servant of the captain of the guard, and we told him and interpreted to us our dreams. To each man according to his dream he did interpret, and it came to pass as he interpreted to us, so it was me he restored unto my office, and him he hanged. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 14. Verse 14. Verse 14. The Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon, and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh. 16. And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And I have heard say of thee that thou can understand a dream to interpret it. And Joseph answered Pharaoh, saying, it is not me. God shall give Pharaoh an answer of peace. Amen. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Yeah. It is not me. It's coming from him. Mm. Joseph sagt, die Deutung kommt nicht von mir, sondern sie kommt vom Herrn. Ici, Joseph dit que oui, l'interprétation, ça vient pas de moi, mais ça vient de l'Éternel. Amen. Amen. Dreams are spiritual. Träume sind geistlich. Les songes sont spirituels. It's only the those that can see in the spirit that can interpret it. Und nur diejenigen, die im Geiste auch sehen können, können diese Träume deuten. Et ce sont seulement ceux qui sont capables à voir l'esprit, sont seulement eux qui sont capables à l'interpréter. I don't know the type of person that my auntie was. I've never seen my auntie's mother. I've never seen her worshiping idol or see any idol, but she just noticed. Before she died, she even said it that she was going to die. She said because she dreamt. She said she was eating with the dead people. She said her days are numbered, that she will soon die. And that was how she died. Are you getting it? But she I don't know. She was not idol worshiper that you just see idol there. But she just Or pastor. she just not watching. She just notice. Praise the Lord. Hallelujah. And I'm very sure it's not coming from Christ. Mm. Because you don't have things. There's not, you cannot have things without Christ. Mm. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Ich weiß nicht, was für what eine... are good, yeah. Mm. Yeah. Amen. Ich weiß nicht, was für eine Art Frau die Mutter meiner Tante war, denn sie war kein Kind Gottes, aber sie war auch keine Hexe an sich oder hatte irgendwas mit irgendwelchen Götzendiensten zu tun gehabt. Aber sie hatte die Fähigkeit, Träume zu deuten. Und selbst als sie gestorben ist oder bevor sie gestorben ist, hatte sie ebenfalls einen Traum, der darauf hingedeutet hat, dass sie stirbt. Das heißt, sie hat selber vorhergesehen, dass dieser Traum auf ihren Tod hinweist. Aber ich bin mir sicher, dass diese Gabe vom Herrn kommt. Denn nur gute Gaben oder solche Gaben können halt nur vom Herrn kommen. No. Nein, nicht vom Herrn. Es kommt nicht vom Herrn. Die sind geistlich und es kann, wenn sie nicht ein Kind Gottes ist, kann es auf jeden Fall nicht von Christus sein, was sie kann. Mhm. Weil es gibt jede Gabe, die nicht von Jesus Christus ist, ist vom Teufel, egal wie gut sie ist. Mhm. Ah, genau. So. Jede Gabe, ja. Mhm. Okay. En fait, la dame en question, qui savait interpréter les rêves, elle, à la base, je ne sais même pas... qui elle est, à quoi elle croyait, parce que je n'ai jamais vu qu'elle puisse adorer des choses ou bien qu'elle puisse prier comme un pasteur. Et ça nous fait voir que elle-même aussi, elle avait, avant qu'elle puisse mourir, elle a rêvé qu'elle allait mourir. Et elle nous a dit que, bon, je veux mourir bientôt parce que j'ai vu que j'étais en train de manger ou bien de manger avec les morts. Et c'est ça qui lui a fait dire que... elle va mourir en fait. Et puis elle était, effectivement, elle était morte. Et ça me fait voir que n'importe qu'est-ce qui est bon dans ce monde, si tu n'as pas Jésus-Christ, ça ne te sert à rien. Même si tu sais interpréter des songes, mais tu n'as pas la vérité, tu n'as pas Jésus-Christ, donc ça ne vient pas de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, myself, if I dream of somebody, command me somebody else, you know, we don't allow dream to control us. Mm. We got children. Mm. Amen. Amen. In all this, we have to know what is of the spirit is spirit. It's only the spirit that can interpret the spirit. Mm. That is what we should understand here. And dreams should never control our life any longer. Mm. That is why once we dream, we remember the truth. Mm. We remember Christ. And we use it, you know, it's like when you hear somebody telling you are going to die. But somebody curse you. You remember that you are a son of God. No one can curse you. Amen. Amen. You even pray. You even pray for that person. Mm. So that is how also when dream come, you say, I'm a son of God. Who can harm me? What can happen to me? Mm. Amen. So you remind yourself. You bring that dream into Christ's kingdom. Amen. And use it that it will now be, well, Satan might want to throw stone at you. Throw an arrow at you. But that arrow, he said, all things work together for God's children. Amen. For good. Amen. Amen. Yes, als Kinder Gottes lassen wir uns von unseren Träumen nicht beunruhigen oder verunsichern. Also wir lassen nicht zu, dass die Träume uns auf irgendeine Art und Weise beeinflussen, sondern wir erinnern uns immer an die Wahrheit von Jesus Christus. Und jegliche Pfeile, die der Teufel nutzen möchte, um Kinder Gottes anzugreifen, zerschlagen wir mit der Wahrheit von Jesus Christus. On doit comprendre que nous, les enfants de Dieu, on doit même pas avoir des songes, avoir peur des songes, parce que nous, on doit connaître qui nous sommes et on doit savoir que n'importe quel songe qui vient de, contre toi, toi tu as l'autorité et puis tu es capable de le détruire et de dire que moi je suis un fils de Dieu, il n'y a rien qui est capable à me détruire, mais c'est seulement pas possible parce que tu as Jésus-Christ en toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In the dreams, it has not some. What I notice is dreams. If I dream if I dream of somebody that I know that is very bad, the next day I will see somebody that is bad, but it might not be that person. I don't know how I will put it. Praise the Lord. And if I see some, but it's kind of ahead, it's the inside. It's not, the dream is mostly the inside. If I dream of my mother so many times, it's always messy. You understand me? If I dream of my cousin that is a widow, she even says she's a witch in Nigeria. You understand me? I always see a lady that use her mouth here in Dutchland here to confess to me that she's a witch. Mm-hmm. An African woman. You understand me? Mm-hmm. Through her, she just use her mouth to confess to me that she's a witch. So anytime I dream of that lady in Nigeria, that woman, I always see that woman the next day. Mm-hmm. You can see the connection. Mm-hmm. So sometimes if I dream of somebody that is very good to us here, if I dream of somebody that is of, I was always dreaming of one man, you don't know him. And once I dream of him, I always see Monica. That Monica was good to us. And that man was also good to us. You can see the connection. The heart is always connected. And that, you know, you hardly dream of the body. It's always inside that we see. Wenn ich beispielsweise träume und eine Person sehe, dann hat es meistens nicht mit der Person, die ich im Traum sehe, zu tun, sondern mit einer anderen Person, die allerdings vom Charakter her eine Verbindung hat mit dieser anderen Person. Wenn ich beispielsweise von meiner Mutter träume, dann hat es meistens dann mit meiner Tochter Mercy zu tun. Oder wenn ich von einer Person träume, die einen schlechten Charakter hat, dann sehe ich dann beim nächsten Mal eine andere Person auch mit diesem selben schlechten Charaktereigenschaften. Exactly, yeah. Es ist immer eine Verbindung zwischen, also es gibt immer eine Charaktereigenschaftsverbindung und es geht halt nicht wirklich um den Körper, das heißt um die Person an sich, sondern eher um die Charaktereigenschaften, die diese Menschen miteinander gleich haben. En fait, chez moi par exemple, j'ai remarqué que quand moi j'ai un rêve et je rêve quelqu'un, c'est pas toujours la personne qui... c'est pas de cette personne que l'Éternel veut me révéler. Donc c'est toujours la plupart des fois c'est les caractères de la personne qui sont connectés. Par exemple, si je rêve de ma mère, c'est la chose en question, ça a toujours à faire avec Mercy parce que ils ont le même caractère. Ou bien si quelquefois je rêve de ma cousine qui dit dans sa propre bouche qui confesse que je suis une sorcière, hein. Et là, c'est le jour après, et le lendemain, elle va voir une femme qu'elle connaît ici, qui lui a aussi dit une fois que je suis une sorcière. Donc, pour vous faire voir que vous voyez la connexion, c'est l'Éternel me révèle toujours le cœur de la personne. Et quand je rêve, par exemple, de X, c'est pas toujours X, c'est personne. Peut-être c'est Y qui a le caractère, le cœur comme X, par exemple. Praise the Lord. So we should not allow any dream to disturb us, to have effect on us. Christ in us is bigger than any dream. Amen. Wir sollten also nicht zulassen, dass Träume irgendeinen Effekt auf uns haben, denn Christus in uns ist größer als alles andere oder größer als die Träume, die wir träumen. Et c'est pour cela on ne doit pas autoriser qu'un rêve puisse avoir un effet sur nous. Que tu rêves quelque chose de bizarre et là tu es vraiment terrorisé et tu as peur, tu es en train de trembler là. Non, parce que nous sommes plus grands. Le Christ en nous est plus grand que chaque autre rêve qu'on peut avoir ici sur Praise terre. Praise the Lord. And we don't run away from witches and wizards. Und wir laufen auch nicht weg von Hexen und Magiern. Et on ne fuit pas les sorciers. They should run away from you. Sie sollten eher vor uns weglaufen. On ne fuit pas les sorciers, les démons. C'est eux qui fuient. But you have to put on the whole armor. Aber du musst die ganzen Waffenrüstung tragen. Mais toi, remember, tu dois, so wie es in Epheser steht, tu dois porter ou bien mettre toute l'armature que l'Éternel nous a donnée. Ce qui est écrit à Ephésiens. Amen. You put on the whole armor, the armor of gospel. That is Christ that come out from your mouth to that person all the time. Anytime you want to discuss anything, you be prepared to bring out Christ. That is how you defeat them. That is how they run away even from you. And not you now running away from them. Amen. Du ziehst die ganze Waffenrüstung Gottes an und bist deswegen halt auch gewappnet vor diesen Hexen und Magiern, sodass sie dann vor dir fliehen und nicht umgekehrt. Et tu vois aussi que c'est toi qui a, on ne fuit pas les démons ou bien les sorciers, mais c'est toi qui mets l'armature de l'Éternel qui t'a donné, et c'est l'armature qui t'a donné, c'est de, d'être Jésus-Christ, de prêcher, de dire la vérité, d'être la lumière, et c'est ça que tu portes envers cette personne. Praise the Lord. If somebody wants to visit you, tu donnes, voilà. If somebody wants to visit you at home, just tell the person you have to go come to church with me. It's as simple as that. You must come to church with me. Amen. I have a relationship with the Christ that is my life. Amen. You understand me? Amen. Uh-huh. So you don't try, it's not just come and visit me. They are coming to visit Christ. Mm. You are, you know, the old, your old life is different from your new life. Mm. Your new life is Christ. And whoever is coming to visit Christ, he should, you know, you are to even bring, you are to bring, make you, you say today, that once you are coming, you will must follow me to the house of Christ. I will not be in the house of Christ and you are told. Amen. It's forbidden. Amen. Wenn dich jemand beispielsweise bei dir nach Hause besuchen kommt, dann musst du dafür sorgen, dass diese Person auch mit dir ins Haus Gottes geht. Denn die Person kommt nicht dich, dein Fleisch besuchen, sondern die Person kommt zu Christus. Und deswegen muss die Person auch mit dir ins Haus Gottes gehen. Du kannst nicht zulassen, dass diese Person zu Hause bleibt und du gehst ins Haus Gottes, sondern du nimmst diese Person mit ins Haus Gottes. Donc, c'est la même chose que quand même quand quelqu'un vient vous faire visite, vous visite la personne, c'est pas bien que la personne reste à la maison et toi tu viens à l'église et la personne reste à la maison. Non, c'est toi, tu es Jésus-Christ, tu te sépares pas de Jésus-Christ, tu mets ton armature et tu le fais parce que tu aimes la personne. Donc la personne doit aussi venir écouter la parole de Dieu. Donc toi, elle doit toujours te connecter avec le Christ en fait. You are visiting people and you know the Bible studies time. Invite them into the Bible studies. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Bring them inside instead of you rejecting the Bible studies and joining them. Mm-hmm. And saying that you have visitors. Mm-hmm. Who are those visitors that you value more than Christ? Mm-hmm. Wenn es auch zum Beispiel Zeit ist für die Bible Study Zeit oder für Gemeindezeit, dann nutzt du auch die Zeit und gehst diesen Dingen eher nach als deinen Gästen. Du schiebst die Sachen nicht weg, weil du sagst, ich habe Gäste, die ich empfangen muss, die ich mich kümmern muss, sondern du lädst sie ein, mit teilzunehmen an diesen Bible Studies und mit teilzunehmen an der Gemeindezeit. Mhm. C'est tout comme si tu as des visiteurs, tu ne peux pas dire que les visiteurs sont là et toi, c'est le temps de partir à l'église ou bien une école biblique ou quelque chose comme ça, que tu dis que bon, aujourd'hui, je ne viens pas à l'église parce que la personne vient et je dois m'occuper de mon visiteur. Non, mais qui est ce visiteur qui est plus grand que Jésus-Christ, que la parole de Dieu? Donc, c'est toi qui dois vouloir apprendre la personne aussi, lui emmener aussi vers Jésus-Christ. Are you getting it? Mm-hmm. And you know, if it's not my guest, somebody that came to visit me sleeping, then I'm having Bible studies. You know, you should, that is your life. We are talking about your life. Mm-hmm. Who, if somebody does not love your life, then what is he doing with you? Christ is your life. Mm-hmm. And they should be, they are not, Christ should be the one that separates. Yeah, are you getting it? Mm-hmm. That separates you and them. Your desire for Christ. And if they, for example, in Bible studies, you invite them. And for those of us in the Bible studies, those of you, if you see that somebody new is there, ask that person, are you born again? So that you can even help you, you can through that person even change the topic that you are going to talk about. If you are going to talk about something else, because of that person, we need that person also to be saved. You understand me? You cannot change the topic. The Holy Spirit will direct you anyway. Mm-hmm. How do you know that person will not be consigning that person to come to Christ? Amen. It is very important in Bible studies also. Und lass auch nicht zu, dass diese Person... So I'm coming, mm-hmm. Because the Lord, he always uses it here. Sometimes when people just come, the Lord will start, most of the message I have, it will be changing them. Because of those people that are here. Because you want them also to be saved. Amen. Ja, und lass auch nicht zu, dass diese Personen, die dich besuchen kommen, dass sie dann während der Bible Study Zeit oder Gemeindezeit auf einmal schlafen gehen, sondern nimm sie mit dazu und zieh sie wirklich mit rein, weil die dadurch auch die Möglichkeit besteht, dass das Thema auch der Bible Study auch sich verändern kann, dass der Heilige Geist Raum hat, diese Situation auszunutzen, dass diese Person da ist, dass man fragen kann, ob die Person neu wiedergeboren ist und ob sie wiedergeboren sein möchte, denn es geht um dein Leben. Das Wort Gottes sagt, dass Christus dein Leben ist und Christus ist derjenige, der euch dann entweder wieder vereinen wird oder euch voneinander trennen wird. Genauso ist es, wenn Leute hier in die Gemeinde kommen, dass halt die Gemeindepredigt, die wir dann hören, dass es dann auch der Heilige Geist Raum hat, die Gemeindepredigt dann so umzuwandeln, dass es auch für die Person hilfreich ist, damit sie wiedergeboren wird. Mm. Par exemple, si par exemple tu as la personne et tu as un visiteur qui est là, au lieu que la personne passe seulement dormir pendant que toi tu t'occupes de Jésus-Christ, tu dois aussi inviter la personne, tu dois aussi lui dire que c'est bien d'écouter avec toi. Et nous aussi, par exemple, comme nous sommes quand nous sommes dans l'école biblique, si on a des visiteurs, si on a des amis qui veulent entrer, on doit aussi le signaler et laisser que le Saint-Esprit, que notre thème aussi, par exemple, puisse aussi aider aussi la personne à connaître l'Éternel, à avoir une relation avec Jésus-Christ. We lesen Epheser 6, Vers 10 bis 11. Ephésiens 6, 10 à 11. Praise the Lord. Amen. Before you invite people to your home, they tell you they are coming. Tell them, I'm a child of God. I belong to Christ Jesus. And if you come, you follow me to church. I will not leave you at home. No. You understand me? Make it known to them. If they will say they will come, let them come. If they say no, then let them go. Mm-hmm. Are you getting it? That is how your protection is secure. Amen. It's not just come and visit me like that. No. Let them know that it's all about Christ for you. Mm-hmm. Wenn Leute dich besuchen kommen möchten, dann mach ihnen klar, dass du ein Kind Gottes bist. Und dass für dich Christus Priorität hat und dass es auch für sie bedeutet, dass sie mit dir ins Haus Gottes gehen. Lass nicht zu, dass sie zu Hause bleiben und du dann alleine ins Haus Gottes gehst, sondern zeig ihnen wirklich, dass Christus deine Priorität ist und dass du keine Absprüche dafür machst. Si par exemple quelqu'un vient vous visiter, directement signaler aussi à la personne que oui, tu peux venir me visiter, mais tu dois d'abord directement savoir que moi, je suis un enfant de Dieu, moi je pars à l'église, et quand tu viens me visiter, on va partir ensemble à l'église, on va lire la parole, on va lire la parole de l'Éternel. Praise the Lord. Alleluia. Can you read that? Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Amen. Praise the Lord. Amen. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Praise the Lord. Amen. Be strong in Jesus. Amen. Amen. And in the power of his might. 11. Put on the whole armor of God. Be prepared. Amen. Amen. Be prepared all the time. Ja, amen. Seid vorbereitet, seid ausgerüstet. Die ganze Zeit. Be prepared because you are going to discuss something if you have visitors. Amen. Amen. It's either going to be Christ or Satan. What you are going to talk about. Seid vorbereitet und ausgerüstet, besonders wenn ihr Besuch empfangt, weil ihr auf jeden Fall diese Vorbereitung braucht, weil ihr werdet es wird entweder um Christus dann gehen bei euren Unterhaltungen oder um den Teufel. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça signifie que quand il dit revêtez-vous, ça signifie qu'on doit préparer notre cœur, on doit être prêt à mettre nos armatures, d'être vraiment devant chaque personne, chaque visiteur, chaque ami ou bien n'importe qui, d'être Jésus-Christ, parce qu'on va discuter, on va parler, on aura des conversations, mais cette conversation doit être de l'Éternel, parce que on a le Christ en nous et nous sommes le Christ. Praise the Lord. Amen. Put on the whole armor of God. You must put them on. Du musst die ganze Waffenrüstung anziehen. Amen. You learn to put them on all the time. Don't put them off. Du lernst sie die ganze Zeit anzubehalten. Zieh sie nicht wieder aus. You are going to talk about Corona. You are going to talk about the weather. You are going to talk about job. You know, just see Christ. Talk about Christ Jesus. Corona is killing people, and Jesus is saving people. Amen. Are you getting it? Amen. Allow it to be Christ. Bring it to you know. We have to be prepared. Amen. Amen. Wenn Sie über Corona reden wollen oder über das Wetter oder irgendwelche anderen belanglosen Dinge, dann macht diese Unterhaltung zu einer Christus-Unterhaltung. Dann bringt Christus mit hinein, dass Leute wegen Corona sterben, aber du hast keine Angst, weil du Christus hast. Je vous donne un exemple, par exemple, si vous êtes le visiteur vient et il veut parler, par exemple, du corona, dit que ah corona, ça tue les gens, ça tue les gens. Toi, tu es la lumière. Ce qu'ils disent là, tu dois aussi, tu peux parler avec eux de ça, mais donne à eux la possibilité à leur donner Jésus-Christ pour que tu dis que oui, c'est vrai, corona tue les gens, mais on a Jésus-Christ, Dieu merci, qu'on a Jésus-Christ qui sauve les gens. Par exemple, tu vois, donc tu es en train de parler avec eux, mais toi tu emmènes toujours, dans chaque conversation, tu emmènes toujours l'esprit, tu essaies toujours d'emmener ton intérieur, ton esprit dehors. He or she will come and be telling you what is problem, one problem or the other. Allow them to know that it's Christ Jesus that is the solution. Amen. Wenn Leute zu dir kommen und ihre Probleme darlegen und dir erzählen, wie schlecht es ihnen im Leben geht, dann mach ihnen klar, dass die einzige Lösung Jesus Christus ist. Et en général pour nous tous, c'est aussi important de comprendre que les gens vont venir toujours discuter avec nous et nous parler des problèmes, mais nous, on doit avoir l'habitude à leur dire que oui, les problèmes sont là, mais Jésus-Christ est notre solution. Toujours dire ça aux gens. For we wrestle not against flesh and blood. It's not about the body. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Es geht nicht um Menschen, es geht nicht um den Körper, es geht nicht ums Fleisch. Donc, on doit savoir qu'on ne combat pas contre la chair, contre la personne. On combat contre l'esprit. Are you getting it? Mm. But we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Praise the Lord. Amen. Too many times the body deceives us. We are one family, deceive us. That is part of the body. It's my mother, it belongs in my mother relative. It deceives you. The body, that is the body deceiving you. You know, you understand, my tante, my uncle. They will deceive you. And if you allow them to deceive you, it's death. That's what he's talking about here. In Vers 12 lesen Sie, worum es in diesem Kampf wirklich geht. Und oft ist es so, dass der Körper uns in die Irre leiten möchte und dass er möchte, dass wir nur unsere Mutter sehen, meine Tante, mein Bruder, meine Schwester. Und das wird dazu führen, dass du dann auch besiegt wirst in dem Kampf. Ici on voit par exemple verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde, les ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Ça veut nous dire qu'on doit faire attention à ne pas avoir notre considération sur la chair, mais sur l'esprit, parce que la chair va nous confondre, va te dire que tu dois avoir pitié de cette personne parce que c'est ta mère, c'est ta tante, c'est ta meilleure amie. Mais si l'esprit, c'est pas Jésus-Christ, ça te sert à rien. Et c'est ce qu'il nous dit ici, on lutte pas contre la chair, mais contre l'esprit. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. They are my friends. The body will deceive you. Mm-hmm. The flat body, the friend, that they are your friend. You know, the part of it is flesh and blood. Mm-hmm. Anything flesh and blood, they will deceive you. Mm-hmm. If you do not allow it to be Christ alone. Mm-hmm. Alles, was Fleisch und Blut ist, wird dich in die Irre leiten, wenn du nicht zulässt, dass es nur um Christus geht mm-hmm. oder um Christus allein. Tout ce qui est chair et esprit va te confondre. Ou bien, oui, si tu ne autorises pas qu'il puisse être seulement Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Amen. It said in verse 13, wherefore, take unto you the whole armor of God. Take unto you the whole armor. Be prepared. Amen. To take unto you the whole armor. That you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand. Verse 14. Stand therefore, having your loins girded about with truth. Are you getting it? How to be, you know, in their midst, in their, you know, discussion with them, even truthful. And you know, let him be Christ. Mm. Are you getting it? Mm. And having on the breastplate of righteousness, verse 15. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Verse 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench the fiery dart of the wicked. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Praise the Lord. Alleluia. I hope you understand it there. Ich hoffe, ihr versteht das. Amen. Ici, j'espère que vous comprenez. So c'est vraiment important de comprendre ça parce que il nous dit d'abord l'armature de l'Éternel, et puis il nous explique ici partout qu'est-ce qui est vraiment l'armature de l'Éternel. Es geht darum, vorbereitet zu sein, et puis, il s'agit die ganze d'être... Waffenrüstung anzulegen, um sich somit zu behaupten zu können. Et il s'agit d'être vraiment préparé, de mettre toutes les armatures pour bien lutter. Bien, oui. Look at verse 17. He called, he said, and take helmet of salvation. Helmet, you know what is helmet? You know, when you are ride mofa, you put on helmet for protection. Mm. Praise the Lord. Mm. Is somebody getting something here? Mm. You put on helmet before you can ride in Europe, motorcycle. In here, especially here in Europe. In Nigeria, yeah, people do it, but people still risk their life. Mm. Even that helmet saved my father when my father had an accident. He used his head to hit the pole of electric. And the doctor said, if not because of the helmet, his head could have just scattered immediately because it was so hefty. He was riding a bicycle and a motorcycle. And he used his head, the car hit him, and he used his head to hit a pole of electric. But God said that he was having this helmet. And this helmet, because the doctor said without the helmet, he could have died there instantly. Mm-hmm. You can see. Now we call our helmet salvation. In Vers 17 lesen wir von dem Helm des Heils. Und der Helm dient unseren Schutz. Wir kennen das ja auch, wenn man zum Beispiel Motorrad fährt oder wenn im Fahrrad fährt, dass man einen Helm zum Schutz aufträgt. Dieser Helm hat damals sogar meinem Vater das Leben gerettet, als er damals einen Autounfall hatte. Der Arzt hat sogar gesagt, hätte er diesen Helm nicht auf, dann wäre er tot. Ici, verset 17 nous dit de mettre la casque du salut. Tu vois qu'une casque, c'est vraiment important, ça protège ta tête. Et c'est mon père, même un jour, quand il était dans la moto, il avait mis une casquette, et cette casquette, par exemple, ça lui a sauvé la vie, parce que sinon, dans l'accident qu'il a eu, sa tête pouvait être divisée par deux, quelque chose comme ça. Donc, la casque, il appelle le salut une casquette. Praise the Lord. The helmet of salvation. I am saved. It's your helmet. I belong to Christ. It's your helmet. I am a son of God. It's your helmet. Are you getting it? Der Helm deiner Errettung, dass du ein Kind Gottes bist, ist dein Helm. Dass du errettet bist, ist dein Helm. Le casque du salut, ça signifie que je suis, que c'est comme si tu, quand tu dis que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, c'est ça ton casque. Then he now says the sword of the spirit. Are you getting it? Das Schwert des Geistes. Et puis, which is the word of God. Welches das Wort Christ's word is the sword of the spirit. Gottes Wort ist das Schwert des Geistes. Es ist ein geistliches Schwert. Dans le même verset 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Amen. Amen. Spiritual sword. Ein geistliches Schwert. Un épée de l'esprit. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why once you throw it, it must do the job. Und deshalb, wenn du diesen Schwert einmal wirfst, dann wird es das vollbringen, weswegen du es geworfen hast. Et c'est pour cela quand toi tu jettes tu utilises cette épée là, ça doit accomplir la chose laquelle tu veux par exemple tu voulais couper en fait. And that's why, you know, anywhere you are, you make sure that the word of Christ is coming out. That's the sword. The sword is coming out. Amen. Überall. Take away whatever is not of Christ. Amen. So you know, you don't even need to tell. Don't tell them, go. But the sword that is coming out will push them. If they are not ready to surrender to Christ, amen. Take them out. Deswegen, überall wo du bist, lässt du die Wahrheit raus und sprichst die Wahrheit aus. Und es ist dieser Schwert, den du quasi zum Einsatz bringst. Und dieses Schwert wird dann halt auch dafür sorgen, dass die Wahrheit dich dann von diesen Leuten trennen wird. Et quand tu vas lancer cette épée, par exemple, physiquement, c'est quand tu parles de la parole de Jésus-Christ, quand tu prêches, quand tu indiques à une personne de partir vers Jésus-Christ et tu lui donnes la vérité. Et c'est ça, c'est comme si tu es en train d'utiliser cette épée-là. Et c'est cette épée qui va vous unir ou bien vous diviser. Parce qu'une personne qui ne veut pas venir vers Jésus-Christ, quand tu parles de la personne de Jésus-Christ, la personne va te voir ou il va te voir une bonne personne, va dire que moi, je veux le même Jésus-Christ que tu as. Ou bien la personne va dire que toi, tu es malade, je ne veux rien à faire avec toi parce que tu crois en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est l'épée. C'est ça l'engagement de cette épée-là. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. If you dream evil dreams, you know, if you wake or walk as Christ wants you to walk, put on the whole armor. Amen. Amen. Your armor of God. Amen. Amen. Amen. The spirit has nothing to do with the flesh. Amen. Amen. Amen. Wenn du von einem schlechten Traum aufstehst, dann remind yourself of the whole armor. Genau, erinnere dich an diese Waffenrüstung Gottes und zieh diese Waffenrüstung an. Denn das Geistliche hat nichts mit dem Fleischlichen zu tun und erinnere dich daran. Et c'est pour cela, quand tu as un songe et tu rêves, tu te dis, tu dois savoir que tu dois mettre les armatures de l'Éternel. Rappelle-toi de la parole de Dieu et utilise-le. Amen. Amen. The spirit has nothing to do with the flesh. That is why we need interpretation for evil dreams. Amen. Amen. Und weil das Fleischliche mit dem Geistlichen nichts zu tun hat, brauchen wir die Deutung von Träumen, die wir träumen. Et parce que le spirituel et la chair n'ont rien à faire ensemble, n'ont rien en commun. C'est pour cela que c'est important de... de pouvoir interpréter le songe. Praise the Lord. There is the natural dream and there is the supernatural dream. The spiritual, there is the spiritual dream, that is, there is the physical dream. There are some dreams, when you dream them, you know, after eating puri for too much puri, then you now sleep, you are dreaming of puri. You are in the middle of puri everywhere. You understand me? You don't need any meaning to that. Maybe stop, don't eat it too much. Es gibt natürliche Träume und es gibt übernatürliche Träume. Es gibt geistliche Träume und es gibt ganz normale fleischliche Träume. Beispielsweise, wenn du ganz viel Puri gegessen hast am Vortag und du dann schlafen gehst und auf einmal träumst, dass du vor einem riesigen Puri-Berg stehst, dann bedarf es natürlich keiner Interpretation. Das bedeutet vielleicht, dass du einfach weniger Puri essen solltest. Il y a des rêves naturels et des rêves surnaturels. Merci à bien sûr. Les rêves naturels sont par exemple si tu manges un gros foufou là, tu le manges et tu pars dormir et le lendemain tu rêves que tu es debout devant une grande boule de foufou par exemple. Tu vas savoir par exemple que c'est mieux de manger un peu de foufou et pas beaucoup, tu vois. Donc ça, c'est un songe, un rêve naturel qui te dit que tu l'as dosé. Amen. Amen. Dreams are not as they are dreamed. Most dreams, they are not as they are dreamed. Und die meisten Träume, die man träumt, sind nicht so zu verstehen, wie man sie gerade träumt. Et la plupart des rêves que tu rêves, c'est pas à comprendre comme tu l'as rêvé en fait. Amen. Both Satan and Christ can walk in dream. Amen. Can speak to us in dream. Amen. Denn sowohl der Teufel als auch der Herr können durch Träume sprechen. Et le diable et l'Éternel, eux deux, ils peuvent aussi parler dans à travers les rêves. Amen. Praise the Lord. Alleluia. If you are the type that love dream, that is after dream so much, Satan will use that dream to deceive you in so many ways. Mm-hmm. Amen. We turn lies to truth into lies and lies into truth before you. Wenn du eine Person bist, die ständig hinter Träumen her ist und ständig irgendwas an Träumen deuten möchte und Träume immer zu viel Gewicht gibst, dann wird der Teufel diese Träume auch nutzen, um dich zu zerstören. Denn es sollte nicht um die Träume gehen, sondern es sollte nur um Christus gehen. Si tu es une personne qui est toujours derrière les rêves, tu dis que oh, je vois comme la personne j'ai rêvé de ça et la personne me veut du mal, donc tu vas commencer à ne plus être concentré vers Jésus-Christ, tu vas commencer à être concentré au rêve et le diable va utiliser ces rêves-là maintenant pour te détruire. Praise the Lord. Christ's system is not about outside, but inside. Amen. Das System vom Christus, da geht es nicht um das Äußerliche, sondern um das Innerliche. Et le système de Jésus-Christ, il s'agit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. It is not about quantity, but quality. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Et son système ne s'agit pas de la quantité, mais c'est un système de qualité. Amen. Praise the Lord. Alleluia. If not, you know, if you look at this ministry, Christ will not be here. Und wenn das look nicht der Fall wäre, dann wäre diese Gemeinde nicht da. Denn wenn man sich an die Zahlen orientiert, der Leute, die hier sind, dann würde man denken, dass das überhaupt gar nicht Christus ist. Parce que s'il s'agissait de la quantité, cette église ici ne pouvait même pas rester ici parce que on allait dire qu'il y a trop, il y a peu de personnes et ça ne sert à rien. Amen. C'est pas Jésus-Christ parce que le Christ peut pas être ici. Le Christ ne peut pas être ici parce qu'il y a peu de personnes. If you come to this ministry, amen, we want to build everything here, all of us here. We will just see and go to organize religion, their ministry. Hey, if you know. If you're after the body, you run away from here. Wenn du dir beispielsweise unsere Gemeinde anguckst, die Anzahl der Leute, die hier sind und das Gebäude, in dem wir hier sind, und du das vergleichst mit einer anderen organisierten Religion, wo das Gebäude dreimal größer ist, wo die Leute vielzählig sind und dich davon beirren lässt, von dem äußerlichen Erscheinungsbild, dann wird dich das zerstören. Et si par exemple tu es une personne qui pense que la chair est vraiment important, mais le corps c'est important. Quand tu as commencé à comparer notre église ici et une église religieuse très bien organisée et organisée, tu vas avoir un palais, un temple comme ça, tu seras vraiment tu seras confus, tu vas dire que bon, cette notre église, je veux plus être ici parce que l'extérieur n'est pas beau du tout. Donc tu vas commencer à suivre la beauté d'une grande église si tu n'es pas. No one that is after the flesh that will choose this ministry. If you compare this ministry to other ministries, those religious ministry that so much, you can see what they have, everything, in ordinary, everything, the palette. Amen. Niemand, der hinter dem Fleisch her ist, würde diese Gemeinde, in der wir uns befinden, wählen. Denn sie würde eher das bevorzugen, was vom äußerlichen Erscheinungsbild perfekt aussieht. Diese organisierte Religion, wo alles in Ordnung ist, wo alles organisiert ist, wo alles schön und perfekt aussieht. Il y a personne qui est surnaturel ou bien, qui est charnel. Si une personne, c'est vraiment, cette personne-là, c'est important pour lui de voir la chair ou bien de voir le corps d'une chose. La personne ne peut jamais rester ici parce que il va dire que si c'est pas beau, c'est pas grand. Donc tu vas voir toujours la chair et tu n'auras même pas l'opportunité à connaître la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Well, please, beware of the body, please. Bitte nehmt euch in Acht vor dem Fleisch, vor dem Körper. Tu dois avoir attention du corps. Remember Lot. Faire attention du Erinnert corps. Euch an Lot. Rappelle-toi de Lot. Amen. Abraham said, you choose which part to go. Abraham hat ihm gesagt, dass er auswählen soll, in welchen Weg er gehen möchte. Abraham lui a dit de choisir quel chemin il va prendre. You know that he chose Sodom and Gomorrah. Und er hat sich für Sodom und Gomorra entschieden, das Land, das vermeintlich sehr gut aussah vom Außen. Et lui, il a choisi Sodom et Gomorra, le pays qui était à ses yeux très mignon. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, John the Baptist's ministry was in the wilderness. Wenn wir uns den Dienst von Johannes dem Täufer angucken, sein Dienst war in der Wilderness. I think here is better than wilderness today. Amen. In der Wilderness. Si on voit par exemple Jean-Baptiste et son ministère c'était dans le désert. Amen. Amen. It takes the Holy Spirit to be here with us. Und es bedarf den Heiligen Geist, um hier in dieser Gemeinde überhaupt zu sein. On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour être capable d'être dans cette église. Praise the Lord. Hallelujah. You know, on Wednesday we talk about Jesus, that he is a container. Am Mittwoch haben wir darüber gesprochen, dass Christus ein Behälter ist. Mercredi, on a parlé de Jésus-Christ, on a dit que Jésus-Christ est un container. Amen. Hmm. He is a container. Er ist ein Behälter. Il est comme un container. In Christ is his kingdom. Und in Christus ist sein Königreich. Et en Christ, là se trouve aussi son. In Christ is also his royal family. He said, we are in him. He is in us. Are you getting it? Und in Christus ist auch seine königliche Familie. Das heißt, er ist in uns und wir sind in ihm. Et en Christ se trouve aussi son royaume. Ça signifie que lui, il est en nous. The Bible says we are all inside him. Die Bibel sagt, dass wir alle in ihm sind, in Christus. La Bible nous dit que nous sommes nous tous, nous sommes en lui. Amen. He is a container. Er ist ein Behälter. Il est un container. And he also said we are containers. Und er sagt, dass wir ebenfalls Behälter sind. Et il nous a dit que nous aussi, nous sommes des containers. Praise the Lord. Alleluia. Go to Luke 17, please. Wir lesen Lukas 17. On va lire à Luc 17. Who will help us to read? Susie Schatz. Luke 17, verse 20 and 21. Wir lesen Lukas 17, Vers 20 und 21. Luc 17, Vers 20 à 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe her oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Praise the Lord. Hallelujah. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. 21. Neither shall they say, lo, here, or lo, there. For behold, the kingdom of God is within you. He said, you are also a container. Auch wir sind Behälter. Ici, on voit que les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, ici, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes des conteneurs. Praise the Lord. Amen. The kingdom of God is inside us. In Christ Jesus is his kingdom, and Christ Jesus is inside us. Das Königreich Gottes ist in Christus. Christus ist in uns und damit ist das Königreich Gottes auch in uns. Le royaume des cieux est en Christ. Et Christ, le Christ est en nous. Ça signifie que son royaume est aussi en nous. Remember the creation of man. Erinnert euch an die Entstehung des Menschen. Rappelle-toi la création de l'être humain. God never created man empty. He did not create Adam empty. Er hat den Menschen nicht leer erschaffen, ohne Fülle. L'Éternel n'a pas créé l'être humain vide. Genesis 1:28, please. Wir lesen 1. Mose 1, 28. On va lire Genèse 1, 28. Praise the Lord. He did not create Adam empty. Er hat Adam nicht leer, ohne Fülle erschaffen. Il n'a pas créé Adam vide. And God blessed them. As God said unto them, be fruitful and multiply. Are you getting it? Yeah. Vers 28. Be fruitful. That word alone will help you to know that He did not create Adam empty. Wir sehen, dass der Herr ihnen gesagt hat, dass sie fruchtbar sein werden. Das allein ist schon ein Indiz, das uns zeigt, dass der Mensch nicht leer ist, nicht ohne Fülle ist. Amen, amen. Ici, on voit que l'Éternel lui a dit que soyez féconds, multipliez-vous. Et ça signifie que Dieu nous a pas créé vide. God told Adam to be fruitful and not to be seedful. Gott hat Adam gesagt, dass er fruchtbar sein soll und nicht, dass er dass er nur Samen sehen soll, sondern dass diese, aus diesen Samen Frucht entstehen soll. Donc, und nicht nur sehen soll. Donc Dieu a dit à à Adam ici que soyez féconds, multipliez-vous, ça fait remplissez la terre. Donc ça signifie que ne sémez pas seulement, c'est pas seulement semer la graine, mais multipliez-vous, soyez aussi productifs, donc produisez des fruits. Praise the Lord. Amen. When God told Adam be fruitful, it means he was saying there is seed already on the inside of Adam. Mm-hmm. Und als Gott zu Adam gesagt hat, dass er fruchtbar sein soll, hat er damit gleichzeitig auch impliziert, dass bereits ein Same innerhalb von Adam gesät ist, der dazu führen kann, dass Frucht getragen wird. Et quand Dieu a dit à Adam d'être fécond, ça signifie qu'il a déjà pris, il a déjà sémé une graine en lui et il savait qu'avec ce qu'il a sémé, Adam était capable à se reproduire, à faire produire des fruits. Praise the Lord. Amen. You cannot demand a fruit unless a seed exists. Mm-hmm. Denn du kannst nicht nach einer Frucht verlangen, es sei denn, es wurde bereits ein Same gesät. Et puis, tu ne peux pas t'y attendre ou bien tu ne peux pas vouloir avoir un fruit si tu n'as pas sémé une graine. Adam was created with more than 6 billion people on the inside of him. Adam wurde erschaffen mit mehr als 600 Billionen Menschen in seinem Inneren. Adam a été créé avec Adam a été créé avec 6 billions de personnes dans son corps. Are you getting it? En lui. On the inside of Adam, all of you, you are from there. In dem Inneren von Adam befand sich bereits die ganze Menschheit. Je le dis parce que pour vous faire voir que dans Adam, c'est comme ça que même nous aujourd'hui on a été reproduit, tu vois. Donc dans Adam, ça a été toute l'humanité a été plantée. Somebody getting something here. If inside Adam was more than 6 billion people, the first Adam, how much, what about the last Adam? 1 Corinthians 15. Let's go to 1 Corinthians 15. Wir lesen 1. Korinther 15, um zu sehen, wenn im ersten Adam bereits über 600 Millionen Menschen in seinem Inneren gepflanzt oder eingesät sind, wie viel mehr im letzten Adam Jesus Christus? On va lire 1 Corinthiens pour le comprendre. Ouais. Et je dis que... 1 Corinthiens 15, vers 45. 1 Corinthiens 15, vers 45. Verset 45. Donc si dans le premier Adam, plus de 6 millions, milliards, billions de personnes a été, pouvaient être reproduits parce qu'il a donné les enfants ont donné leurs enfants et ça a continué. Combien de plus le nouveau Adam qui est Jésus-Christ lui-même, combien de plus il est capable à reproduire? On va le lire à 1 Corinthiens 15, 45. Amen. Amen. In verse 45. Jennifer, can you help us to this? Verse 45. Hier steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Amen. Praise the Lord. Amen. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Amen. Praise the Lord. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier âme est devenu un esprit vivant. Donc le premier Adam c'était homme, c'était Adam, et le deuxième Adam vivant c'était Jésus-Christ lui-même. Amen. Mm-hmm. If inside Adam, the first Adam, more than 6 billion people were inside. how much we know the second Adam should be more. Wenn im ersten Adam bereits 600 Billionen Menschen drin waren, dann umso viel mehr Menschen im letzten Adam Jesus Christus. Si dans le premier Adam il y avait même 6 millions de personnes, combien de plus le dernier Adam qui est né de l'esprit, combien de personnes il a? Praise the Lord. Amen. Notice, you know, amen. Praise the Lord. Amen. All our things, everything that belongs to us, are coming from inside the second Adam, which is Christ Jesus. Und all unsere Sachen, all unsere materiellen Güter, alle Dinge, die zu uns gehören, kommen alle von dem Inneren des letzten Adams, Jesus Christus, des lebendig machenden Geistes. Et ça signifie que c'est là qu'on voit que tout ce qui est de nous, des enfants de Dieu qui ont Jésus-Christ en eux, le dernier Adam, tout ce qui vient de nous, qui nous appartient, ça vient de lui-même, du dernier Adam, parce qu'il y a eu deux Adams. Christ never come into your life without his properties. Christus kommt niemals in dein Leben hinein ohne seinen Besitz. Le Christ ne vient jamais dans ta vie sans ses biens. He never come empty-handed into our life. Er kommt nicht mit leeren Händen in dein Leben hinein. Il vient dans ta vie avec tous ses propres biens. So also is Satan. When Satan come, he also come with his properties. Und genauso ist es beim Teufel. Wenn er in dein Leben hineinkommt, kommt er auch mit seinen Besitztümern. Et tout comme avec le diable, lui quand il vient dans ta vie, il vient avec aussi tous ses propres biens. And that's why no one wants to leave Christ's zone. You leave his zone, you go to the other side. You can see jealousy, hatred, bitterness, they are coming. The properties of Satan. They are coming one after the other. They do not both have their own properties. Und genau deswegen ist es auch so, dass wenn du Christus verlässt und in die andere Seite, in die Seite des Teufels gehst, dass dann seine Besitztümer, Neid, Eifersucht, Zorn, all diese Dinge, die von ihm sind, dann in deinem Leben Besitz ergreifen. Et c'est pour cela tu vas voir que quand tu n'es plus en Jésus-Christ, quand tu t'écartes de l'Éternel, tu vas voir tous les biens du diable vont venir en toi. Tu vas commencer à avoir la haine, tu vas commencer à avoir la jalousie. Tous ces biens, il l'emmène vers toi. Praise the Lord. Amen. Notice something here in Genesis. In this Genesis, amen. Mm-hmm. Genesis 1, verse 27, 28. It says, be fruitful. The word fruitful here does not mean to have children. Amen. It's not about having children. Mm-hmm. In 1. Mose 1, 27 haben wir gesehen, dass der Herr gesagt hat, sei fruchtbar. Aber dieses sei fruchtbar bezieht sich nicht nur auf Kinder. Il a, Jean, à Genèse 1, il nous a dit d'être fécond, mais ça ne signifie pas de se reproduire, ça ne signifie pas d'avoir des enfants naturels. It's like the word fasting also. The word fasting does not mean going without food. Hello, amen. You know, you can fast yourself from things, amen. Keeping things away from you, amen. Genauso auch wenn es um Fasten geht. Fasten bedeutet nicht nur, dass man nichts mehr isst, sondern du kannst auch von gewissen Dingen oder von gewissen Gewohnheiten fasten. Mm-hmm. Tout comme quand on parle de jeûner, tu vas pas seulement jeûner de c'est que tu de la nourriture, tu peux aussi jeûner les biens ou bien des habitudes que tu ne veux pas continuer à faire, par exemple. And that's why you know fasting also means fasting your unbelief, your fear, your doubt. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. Und deswegen bedeutet Fasten auch deinen Unglauben, deine Ängste und deine Zweifel zu fasten. Jeûner, ça signifie aussi de jeûner tes peurs, tes doutes et ton incroyance aussi.